Les saisons ont leur raison et chaque année, ça recommence. 4 fois par an, c'est le retour du même, les mêmes saisons qui se succèdent dans le même ordre, ce qui laisse croire que rien n'est jamais nouveau sous le soleil. Et que nous avons beau vivre, avancer, évoluer, nous transformer, la nature, elle, s'obstine à recommencer encore et toujours le même cycle immuable, qui ressemble étrangement à notre propre vie. Ainsi, nous avons notre printemps, notre été, notre automne et notre hiver, et chaque saison est pour nous un morceau de vie qu'on s'apprête à vivre et qui ne reviendra plus, ce qui en dit long sur notre rapport au temps. Alors on commence avec Albert Camus, c'est-à-dire avec l'été. Écoutons aujourd'hui Camus observer ce changement des saisons qu'il observe dans le ciel de la Méditerranée. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs amènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Bonjour Vincent Duclair. Bonjour Adèle Fondrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. C'est un bonheur de vous y accueillir pour parler de Camus. On a rangé les vacances, chante Brigitte Bardot, mais parler de l'été chez Camus pour commencer la rentrée, c'est un peu une manière de le prolonger cet été, non ? Ah oui, complètement. Oui, surtout qu'on va pouvoir parler effectivement de tout ce que l'été lui a apporté pour son œuvre d'écrivain, pour sa pensée, pour sa sensibilité. Donc c'est oui, effectivement une excellente idée. Alors l'été, c'est le titre d'un texte, d'un court texte qu'il a écrit, qu'on peut trouver hein, au Folio notamment, et qui apportera beaucoup d'éléments de réponse à toutes les questions que vous vous posez sur le rapport de Camus à l'été. Mais plus largement, on peut dire que l'été, pour lui, c'est le lieu ou le moment d'une pensée véritablement métaphysique. Il y a un rapport au monde que Camus entretient et décrit dans et à travers cette saison qu'est l'été. Oui. Parce que, en fait, l'été, c'est pour Camus, je pense, un révélateur. C'est-à-dire l'été, avec sa lumière vive, avec sa chaleur, avec les sens qui sont totalement ouverts, lui permet de comprendre le monde, de comprendre le temps, de se situer par rapport au temps et au monde. Mm-hmm. Et je crois que c'est sa réflexion aussi sur l'été et sa capacité à écrire. C'est-à-dire que ce qui est très beau chez Camus, c'est que il nous fait ressentir l'été. C'est-à-dire là, il y a une prose poétique hein, dans Nos suivi de l'été, enfin, et que l'on a au début de son œuvre, parce que c'est les premiers textes portent sur l'été à Alger, l'été à Tipaza, et puis à la fin, quand il doit revenir, il doit tenter de retrouver le chemin de l'écriture. Pour terminer le premier homme, hein, cette deuxième grande œuvre après la peste, eh bien, Camus véritablement comprend avec l'été au fond son destin et la manière dont on peut se situer effectivement dans l'histoire et comprendre l'histoire. Donc ce qui est très intéressant, je crois, aussi avec ce qu'il écrit dans l'été, avec cette prose poétique qu'il mobilise, et je pense que si tellement de lecteurs sont sensibles à ce petit livre là édité chez Folio dès 1959, hein, Noce suivi de l'été, en plus ouais. Quel titre, Noce suivi de l'été, enfin c'est un titre un peu baroque mais qui dit beaucoup de choses hein. Parce que c'est le début et la fin de l'œuvre. Eh bien, si on est tellement attaché, moi-même je l'ai été jeune, hein, à cette écriture, c'est parce qu'il y a une prose poétique. Hein, et cette prose poétique, elle ne se referme pas sur elle-même. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que cette prose poétique, elle nous amène à penser le monde et l'histoire. Donc je trouve que au fond, on est à la fois dans la sensibilité et dans la raison. Et c'est très fort, et même en termes philosophiques. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans une philosophie l'élan vital qui bannirait la raison. C'est-à-dire qu'au contraire, cette sensibilité, elle est conservée et mise en œuvre, mise au service en fait de l'examen d'une raison historique dans un monde effectivement que Camus perçoit très fortement à travers sa violence et son injustice. C'est ça. J'ai parlé de métaphysique, mais il y a un véritable engagement politique très fort. Vous avez raison d'insister sur la dimension de l'histoire également. Mais Vincent Duclerc, juste un point. Vous êtes historien des sociétés démocratiques. Vous êtes chercheur au Centre Raymond Aron. Vous avez dirigé de 2017 à 2019. Donc vous êtes plutôt historien, vous avez travaillé sur les génocides. Quel est votre lien à Camus? Que vient faire Camus là-dedans? Non, mais c'est une très très bonne question. Le lien, d'abord, en fait, je l'ai réalisé quand même dans un livre hein, qui est paru. Chez Stock, donc, Camus, chez Stock, des pays voilà. De liberté. Ouais. Pour moi, c'était très important parce que voilà, je payais une dette hein, à l'égard de Camus et tout ce qu'il m'a apporté. C'est-à-dire, je dirais d'abord un bonheur de lecture. Hein. J'ai lu Camus très jeune parce que aussi on avait des professeurs de littérature hein, qui vous amenaient vers Camus et c'était très bien. Il faut leur rendre hommage. Et notamment ce petit opuscule Noce, Huit de l'été, qui effectivement a été, une invitation au voyage hein, vers la Grèce, vers l'Algérie, vers Alger. Et puis, ce qui est très important, c'est que j'ai essayé de prendre Camus, de manière sérieuse sur son action d'intellectuel et de philosophe. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai beaucoup relu L'Homme révolté. L'Homme révolté, il a été très attaqué par les Sartriens. Mais en fait, il est très intéressant dans la mesure où Camus pose effectivement la violence du monde, le matérialisme historique, hein, et il arrive à dégager les quelques pistes permettant à l'homme individuel ou l'homme en communauté de résister, et notamment l'artiste. Il y a des pages très intéressantes sur l'artiste dans L'Homme révolté, et qui font écho du reste au discours de Suède. Et donc, en fait, pour moi, travailler en historien sur Camus, en historien et philosophe, hein, c'était essayer de comprendre comment est-ce que Camus bâtissait un idéalisme de la raison, qu'on trouve assez fortement du reste dans la peste. Hein, c'est-à-dire cet engagement dont on a bien conscience qu'il est limité, qu'il ne parviendra pas à repousser définitivement le bacille de la peste, mais il est là, il crée de la fraternité, il donne du sens, à l'action humaine. Et pour terminer, je suis revenu en fait vers les littératures, vers l'écriture de Camus, parce que j'ai découvert que dans ses carnets, dans sa correspondance, dans certains textes, Camus bâtit des lieux de liberté, ce que j'appelais les pays de liberté, c'est-à-dire que il montre comment est-ce que, justement, on va revenir à l'été, c'est-à-dire comment est-ce que des saisons, des moments permettent de retrouver au fond la liberté humaine. Et Alger, c'est tout à fait ça. Hein. Ce qu'il dit sur Alger est passionnant, et c'est vrai que pour finir, sur l'Algérie, Camus avait un projet très utopique, c'est-à-dire effectivement de dépasser les communautés pour créer une Algérie indépendante. C'est vrai qu'à l'époque où il a formulé tout ça, c'était pas possible, hein, mais je crois qu'il faut réfléchir à la manière dont Camus bâtit cette fraternité humaine qui permet effectivement de dépasser la violence de l'histoire et l'enfermement des communautés. Et vraiment, quand on voit par exemple ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, où il y a eu vraiment une volonté de dépasser effectivement des systèmes d'apartheid, ça a quand même plutôt réussi. En tout cas, c'est un espoir pour le monde. Et Camus l'avait compris dès le début de la guerre d'Algérie, et il s'est battu pour cela. Et c'est vrai que voir des hommes qui non mais des femmes hein, qui sont souvent désespérées par l'absence de réponse de leurs concitoyens et qui continuent à se battre et à écrire, je trouve que c'est assez admirable. Quand on va pendant l'été au bain du port, on prend conscience d'un passage simultané de toutes les peaux, du blanc au doré, puis au brun, et pour finir, à une couleur tabac qui est à la limite extrême de l'effort de transformation dont le corps est capable. Le port est dominé par le jeu de cubes blancs de la Casbah. Quand on est au niveau de l'eau, sur le fond blanc cru de la ville arabe, les corps déroulent une frise cuivrée. Et à mesure qu'on avance dans le mois d'août et que le soleil grandit, le blanc des maisons se fait plus aveuglant et les peaux prennent une chaleur plus sombre. Comment alors ne pas s'identifier à ce dialogue de la pierre et de la chair à la mesure du soleil et des saisons? Toute la matinée s'est passée en plongeons, en floraison de rire parmi des gerbes d'eau, en longs coups de pagaie autour des cargos rouges et noirs, ceux qui viennent de Norvège et qui ont tous les parfums du bois, ceux qui arrivent d'Allemagne pleins de l'odeur des huiles, ceux qui font la côte et sentent le vin et le vieux tonneau. À l'heure où le soleil déborde de tous les coins du ciel, le canoë orange chargé de corps bruns nous ramène dans une course folle. Et lorsque le battement cadencé de la double pagaie aux ailes couleur de fruits suspendus, brusquement, nous glissons longuement dans l'eau calme de la Darse, comment n'être pas sûr que je mène à travers les eaux lisses une fauve cargaison de Dieu où je reconnais mes frères? Mais à l'autre bout de la ville, l'été nous tend déjà en contraste ses autres richesses. Je veux dire, ses silences et son ennui. Ce silence. Juste un petit clapotis au ras des flots. Clic, clic, clic. Tu te laisses bercer par la mer. Tu as ta tête qui se vide des soucis. Du train-train. Je me fais chier. Je me fais chier. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et oui, l'été n'est pas forcément que la saison de la jouissance, du soleil et de la chaleur. C'est aussi, Camus le savait bien, la saison des silences et de l'ennui sur France Culture. Donc les chemins de la philosophie, on parle des quatre saisons pour commencer cette nouvelle saison des chemins de la philosophie. Donc, et on commence avec l'été chez Camus, en compagnie de l'historien Vincent Duclerc. Le texte que l'on vient d'entendre donne exactement le ton du style de Camus. C'est donc un extrait de L'été à Alger qu'on trouve dans Noce, un texte publié en 39, ça veut dire que Camus a 26 ans, ça veut dire qu'il l'a écrit avant, donc il est extrêmement jeune, et déjà en quelques lignes se trouve tout Camus au fond. Le reste de son œuvre viendra déplier ce qu'on y trouve, mais justement on va prendre le temps de lire précisément ce qu'on y trouve, parce que derrière le lyrisme et la beauté du style, indéniable et bouleversante, se trouve une réflexion non seulement philosophique, mais vous l'avez dit Vincent Duclerc, qui est également ambivalente, et même politiquement, on y trouve l'expression d'une position qu'il va essayer de tenir toute sa vie et qui est, selon ses propres termes, disons inconfortable. C'est vraiment ce qu'il revendique. On peut-être partir de cette phrase-là, il dit « Comment ne pas s'identifier à ce dialogue de la pierre et de la chair à la mesure du soleil et des saisons ?» La pierre et la chair, on a ici les deux côtés que Camus tente de tenir ensemble et de réconcilier dans son œuvre. Ce texte, vous l'avez dit, donc c'est un des premiers textes d'Albert Camus. C'est vrai que je crois qu'il faut vraiment dire aux auditeurs que, au fond, c'est un texte qui nous fait apprendre à écrire. Parce que, je veux dire, le style est extrêmement resserré, précis, beau. Hein, c'est effectivement, on est sur une prose poétique qui parle à tout le monde, avec des réminiscences, même, on peut même retrouver des réminiscences de Rimbaud hein, dans cette œuvre. Donc ça, c'est déjà quand même... Je crois l'attachement qui nous lie à Camus, c'est aussi cette manière qu'il a de nous permettre d'apprendre à écrire et de pouvoir justement écrire nos propres sensations et ce qui nous relie au monde. Et je crois que, au fond, on sait que même pendant le confinement, un certain nombre de gens ont écrit des journaux intimes, et c'est bien, je pense que c'est l'écriture, elle permet de comprendre, hein, et c'est une grande force. Je pense que le deuxième point, et vous l'avez dit très bien, c'est effectivement que l'été, ce n'est pas uniquement ce lien à vif hein, avec le corps, avec la chaleur, avec la mer. Hein, et on se souviendra par exemple que le dernier texte donc de l'été, qui clôt finalement tout ce travail sur l'été, s'appelle « La mer au plus près ». Donc il y a effectivement là beaucoup d'éléments... qui permet aussi l'éclairage, la lumière qui irradie effectivement la ville blanche d'Alger. Hein. C'est une carte postale, hein, voilà, sous cet angle. On imagine la mer, les corps nus qui se baignent, bronzés, les fruits qu'on saisit et qu'on croque avec le jus qui dégouline. Voilà, il y a une espèce de paradis idyllique. Oui. Et puis dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a derrière, il y a autre chose, dont le silence. Alors, juste pour peut-être vous prévenir, ce qui est très important, c'est aussi le fait qu'il évoque un port, une ville ouverte sur la mer, au contraire d'Oran, qui est une ville refermée sur la mer, et c'est du reste à Oran qu'il va comprendre, qu'il va saisir l'ennui et les silences. Hein, c'est, je dirais, et du reste, il a des pages extrêmement sévère dans l'été de 54 hein, sur Oran dans le petit guide pour des villes sans passé. Donc ce qui est important, c'est que au fond Camus apprécie l'été en fonction des lieux. Donc ça, c'est je crois extrêmement important. Et enfin, c'est vrai que l'été, avec sa faculté de révéler et donc l'essentiel de déchirer les apparences, montre au fond cette possibilité de comprendre la dureté du monde aussi. Je veux dire l'étranger, ça se passe aussi pendant l'été, pendant la chaleur. Et donc là, il y a quelque chose effectivement qui échappe complètement à la raison. Hein, et donc il nous avertit Camus que l'été c'est une magie dont il faut mesurer le pouvoir, il faut pouvoir raisonner justement à travers l'écriture. Mais il faut dire quand même que c'est aussi son enfance dont il parle dans ses textes. Il a grandi en Algérie, l'été qu'il décrit c'est aussi en puisant dans ses souvenirs. Il y a une dimension quasiment nostalgique ou en tout cas de tentative de ressaisir un temps qui n'est plus et qui le constitue. Oui, alors c'est très intéressant. D'abord, effectivement, l'autre bout de la ville renvoie certainement au quartier de Bellecour, au quartier où il vit, on le sait, misérablement, avec donc sa grand-mère relativement tyrannique et sa mère très aimante. Et là, effectivement, probablement les silences de sa mère, justement, qui parlait peu, hein, on le sait, l'ennui, tout ça, donc renvoie à une part très difficile de son enfance, hein, et qui lui a permis, je crois, de toujours vouloir être à sa place et à ne pas être dans l'imposture. Je crois qu'il a toujours, c'est toujours souvenu d'où il venait et au fond ce lien avec la pauvreté, je crois lui a donné une force, le force quand même d'être authentique et de prendre des risques. Hein. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai l'été est à cette force en fait de révélation qui est considérable et qui donc là donc dans ses textes dans l'été à Alger hein, de 1938 hein, qui va du reste donner l'été à Alger donne le titre donc du recueil de 54 l'été c'est très et donc ce qui est intéressant c'est que il écrit donc cette expérience de l'été au moment où il la vit. Donc ça, c'est passionnant, parce que probablement, et certainement, hein, il conçoit que elle est très importante et qu'il faut la conserver. Parce qu'on sait très bien que, au fond, les sensations, eh bien, elles glissent sur la peau, comme la mer, comme le soleil. Et qu'il faut conserver. Donc, il y a une espèce d'urgence hein, de chez Camus de pouvoir donc fixer par l'écriture ces expériences fugaces. Et ensuite, lorsqu'il décide d'écrire ce recueil l'été, hein, et du reste, il faut se souvenir quand même que le comité Nobel, lorsqu'il réfléchit donc à la proposition de donner à Albert Camus le prix Nobel sont très sensibles aussi à la force de l'été hein c'est je crois effectivement je cite peut-être l'homme fort du comité Nobel qui écrivait à propos de l'été donc le recueil de 54. Son nom peut être à nouveau actuel, Camus représente toujours l'une des meilleures promesses de la littérature française et encore une œuvre de la même qualité que La Peste mettrait sûrement sa candidature en une position plus favorable. C'est-à-dire que la publication de l'été, c'est un signe que Camus continue à écrire. Et donc, là, dans un mouvement assez proustien, finalement, il va réinvestir en fait à la fois donc ses souvenirs et aussi cette écriture. Oui, parce que Nos, dis, paraît en 39. Ouais. En 54, il publie l'été, et en 57, il reçoit le prix Nobel de littérature. Donc, il y a vraiment un mouvement de retour, quasiment 20 ans plus tard, à ses textes de jeunesse. Exactement. Et il reçoit le Nobel, alors qu'il n'a pas encore réussi à aller vers le premier homme. Camus a des grandes difficultés pour écrire. Hein. C'est-à-dire, il réussit... Le premier homme, qui est le titre du manuscrit qu'on a retrouvé dans sa sacoche lorsqu'il a... Après son accident de voiture. Catherine Camus, et là, il faut rendre hommage à la succession Camus. Hein. Catherine Camus a publié ensuite, ainsi que toute une série de textes. Hein. Il y a un travail assez exceptionnel, hein, à la fois de la succession... d'Albert Camus et d'Edition Gallimard, et parce que et ce travail à la fois de publication aussi dans la collection Folio, donc qui permet d'accéder pour une dizaine d'euros à des textes splendides. Hein. Je crois que c'est important aussi de le souligner. Et donc en 57, quand Camus reçoit le prix Nobel, il a écrit La Chute, il y a L'été, donc c'est des œuvres qu'on pourrait qualifier de mineures, mais qui font comprendre au comité Nobel qu'il y a là effectivement un grand écrivain qui continue son œuvre. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur. La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes en ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Il n'est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte d'amour, mais les circonstances m'ont aidé. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. C'est ainsi, sans doute, que j'abordais cette carrière inconfortable où je suis, m'engageant avec innocence sur un fil d'équilibre où j'avance péniblement sans être sûr d'atteindre le but. Autrement dit, je devins un artiste, s'il est vrai qu'il n'est pas d'art sans refus ni sans consentement. Dans tous les cas, la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m'a privé de tout ressentiment. Je vivais dans la gêne, mais aussi dans une sorte de jouissance. Je me sentais des forces infinies. Il fallait seulement leur trouver un point d'application. Ce n'était pas la pauvreté qui faisait obstacle à ces forces. En Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien. L'obstacle était plutôt dans les préjugés ou la bêtise. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de l'été aujourd'hui, l'été chez Albert Camus, en compagnie de l'historien Vincent Duclerc. Vous avez entendu tour à tour un extrait du discours de Stockholm, donc de réception du prix Nobel d'Albert Camus. C'était le 10 décembre 1957. Il reprenait ce que nous étions en train d'esquisser dans notre discussion, hein, Vincent Duclerc. Et puis donc ensuite un extrait de la préface de L'envers et l'endroit. Alors juste pour le dire rapidement, on parle aujourd'hui du recueil Noces et de l'été. J'ai dit que Noces, il avait été écrit quand il était très jeune, vers l'âge de 25 et qu'il revient ensuite, il rajoute quelques textes quasiment 20 ans plus tard. C'est pareil pour L'envers et l'endroit. C'est un texte de jeunesse, il propose une préface de L'envers et l'endroit dont vous avez entendu un extrait qui est extrêmement complète, extrêmement belle, et où se trouve là encore quasiment toute la pensée de Camus en quelques termes. Et vous aurez remarqué qu'on retrouve ce terme d'inconfortable, cette carrière inconfortable. Il y tient à ce terme parce que c'est exactement ce qui exprime la position où il se trouve, à mi-distance de la misère et du soleil, à mi-distance de la politique et de la poésie, à mi-distance de la pierre et de la chair. On retrouve ce déchirement, cet inconfort qui est constitutif de sa pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a pu définir comme la mesure de Camus. C'est-à-dire que dans cet inconfort, il bâtit une pensée. Quoi. Ouais. C'est même la condition, voilà. C'est ce qu'il dit. Sans cet inconfort, il n'aurait pas sa pensée. Et donc, c'est au fond un travail assez exceptionnel qui effectivement amène aussi à ce que la pensée philosophique de Camus elle soit dispersée dans de multiples textes. Mais Camus est un authentique philosophe de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive, je veux dire, à trouver une font une forme de conciliation des extrêmes en redonnant une place à l'être humain dans le monde. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel qui nous parle énormément, alors qu'on est confronté, je veux dire, à cette violence des événements et au fond, au constat d'une certaine impuissance. Et cette impuissance, Camus a essayé de la dépasser. Et pour revenir sur l'été, dans le discours du Nobel, au fond, l'été lui permet de comprendre donc cette vie libre dont qu'il évoque, hein, qui est la sienne, qu'il a toujours tenté effectivement de défendre, y compris contre un certain nombre d'hostilité ou d'incompréhension. Et en fait, l'été à la fois donc révèle des lieux de liberté. Et en même temps, et ça je pense que c'est très important pour comprendre la philosophie politique de Camus, l'été rend encore plus insupportable la violence et la misère, l'oppression des sociétés. Là, il faut renvoyer à l'ensemble d'articles qu'il propose à Alger républicain avant la Seconde Guerre mondiale, hein, et sur Misère de la Kabylie. Et il souligne bien cette révolte, précisément, donc face à ces situations imposées donc aux sociétés kabyles par la société coloniale et qui au fond a une réalité encore plus cruelle sous le soleil, quoi. Donc voilà, considérer l'été comme un révélateur par sa capacité donc à déchirer les apparences, je crois que c'est effectivement ce que Camus donc est parvenu à faire dans ses différents textes, et donc et à comprendre aussi lui-même sa propre place et son rapport au corps. Lui qui était, il faut se souvenir, il était malade. Il souffrait de la tuberculose. Voilà, il souffrait de la tuberculose depuis très jeune, et du reste dans sa correspondance, notamment avec Marie Cazares ou avec René Char, il évoque en fait le mal-être de son corps. Et le mal-être de son corps au fond trouve une issue lorsqu'il est au soleil, au bord de l'été. Donc ça peut être aussi à la Roue Lourmarin, ça peut être à Florence, mais c'est vrai que c'est toujours relié quand même à Alger qu'il voyage régulièrement pour voir sa mère à Alger et pour retrouver effectivement ce qui lui a permis quand même de s'ancrer comme écrivain et donc de ne jamais désespérer de cette possibilité d'écrire le premier homme. Ouais. Mais c'est ça qu'on ne lui pardonne pas aussi, parce que les détracteurs de Camus le réduisent justement à cet idéalisme, à cet homme jouisseur qui aimait le soleil, la chaleur, et qui au fond n'avait rien compris à la politique de son temps. C'est le discours caricatural qu'on oppose à Camus, comme si d'ailleurs on ne pouvait pas d'un côté jouir du soleil et de l'autre être, compétent intellectuellement et en plus efficace politiquement parlant. Je pense notamment à la position qui a été incomprise par rapport à la guerre d'Algérie, puisque lui-même, Camus, condamnant de part et d'autre les actes terroristes et toute forme de violence, finalement, il est mal à l'aise dans les deux camps. Et cette position-là, elle a été très mal comprise par ses contemporains. Oui, mais en même temps, c'est-à-dire aujourd'hui et à l'époque aussi, hein, je veux dire, un certain nombre d'intellectuels, quand même, voyaient chez Camus, la possibilité aussi de donner une réponse à l'engrenage mortifère de la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce que Camus pariait sur les sociétés, sur les ressources des sociétés, ce que Camus a vécu à Alger, c'est aussi, en dépit de la pression coloniale, eh bien, une relation avec les Arabes, qu'on appelait effectivement plutôt les Arabes, plus on nommait pas les musulmans, les Arabes, donc les indigènes, mais que Camus, au fond, était au-delà d'une pensée coloniale séparant les communautés. Et en fait, de parier sur les ressources des sociétés pour faire face aux idéologies et à la violence de l'histoire, ça a du sens en fait. Hein. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est quand même à travers les sociétés et à travers donc, ça veut dire le sensible, le temps échangé, partagé, la vie civile, la circulation de l'art, tout cela effectivement permet quand même de construire des mondes qui peuvent s'opposer à la la mobilisation des idéologies. Mais ça, c'est pas audible dans une réflexion politique. C'est ça le souci, c'est que c'est ça qu'il est difficile d'entendre, de se dire qu'une réflexion proprement politique peut aussi accorder une grande place à ce que Camus appelle le sensible, justement. Et en fait, ce que, y compris l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, lui donne raison. Il y a cet écart, cette séparation entre la pierre et la chair, entre le sensible et l'intellect et les réflexifs qui nuit sans doute à tout engagement politique. Et bien sûr, c'est pas audible, notamment parce que Camus parce qu'il est un homme libre, est un homme isolé. Hein, il n'a pas, bon, il a quelques amis, il a un éditeur qu'il soutient, mais il n'appartient pas à un camp. Hein, il est en guerre ouverte de par ses ennemis, hein, avec le camp de la gauche communiste, le socialisme libéral le considère, et puis à droite, il n'est pas non plus en dehors de sainteté parce qu'il a des positions aussi très très à gauche. Hein, c'est pour ça que Sartre est finalement révolté, je pense, contre Camus, à la fois parce que Camus est un écrivain que Jean-Paul Sartre aimerait devenir. Alors, on peut dire qu'à travers les mots, Sartre parvient à l'être, hein, mais avec peut-être un certain labeur. Et d'autre part, Camus est un vrai libertaire aussi. Donc c'est un homme de gauche. Et Camus est isolé, il est seul. Mais, et ça je pense que, et c'est là où quand on consulte toute la correspondance que Camus reçoit et qui est très bien conservée avec son Provence, à Bibliothèque Méjeanne, toujours avec le soutien de la succession, on voit combien est-ce que Camus, exprime à travers ses interventions, parce que effectivement il est dans les médias, il est dans la presse, il peut écrire, c'est important, il fait des conférences, et toute cette expression, on le voit, correspond à ce que fondamentalement beaucoup de gens veulent entendre. Hein. C'est vrai que lorsqu'on écoute le discours de Suède, comme on vient de le faire, là, un extrait, on se dit mais effectivement il a tout compris, c'est-à-dire que gère cette position pessimiste et en même temps la volonté de maintenir l'idéalisme, de maintenir une présence humaine dans un monde déshumanisé, tout ça c'est important. Et pour la guerre d'Algérie, c'était l'objet de votre question initiale, eh bien moi j'étais frappé dans les correspondances d'un certain nombre de gens qui lui écrivent, notamment après l'appel donc à la trêve civile, qui lui écrivent des libéraux d'Alger, en fait, des gens simples, mais qui, en fait, se refusent à aller dans un camp, parce que aller dans un camp, c'est aussi aller accepter cette violence de l'histoire, alors qu'il faut effectivement maintenir la paix civile. Et ces gens-là écrivent à Camus pour lui dire qu'il se retrouve complètement dans son expression. Ça veut dire que donc Camus n'est pas si isolé que ça, mais c'est vrai que sur le plan, effectivement, du système intellectuel et politique, oui, il est isolé, mais il se bat. Bah, rappelons qu'il a quand même été rédacteur en chef de la revue Combat de 44 à 47. Ouais. Donc l'engagement politique, c'est pas uniquement des mots et c'est pas des choses à lire en filigrane dans ses textes littéraires ou philosophiques. Il y a un travail journalistique, une vraie réflexion qui l'engendre à ce moment-là. Et c'est vrai que vous avez parlé de Combat, ces éditoriaux dans Combat. C'est vraiment, je veux dire, il y a d'abord une force d'écriture incontestable. Et puis il prend un événement. Et il le met dans la perspective historique, hein, comme, je veux dire, par exemple, le bombardement d'Hiroshima, ou toute une série d'événements. Il pense ces événements, non pas en simple journaliste, c'est pas du tout pour critiquer le travail des journalistes, mais pas de restituer les événements, mais aussi de les inscrire dans une pensée de l'histoire. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, où avec Combat, c'était compliqué, parce que, au fond, il menait véritablement une œuvre de philosophie politique à travers ses éditoriaux. Mais on le sait, ça a marqué. Et là aussi, l'édition des éditoriaux de Combat, c'est une œuvre en elle-même, hein, du corpus Camus. Mais vous diriez qu'il y a une pensée de l'histoire chez Camus ? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi ? Parce que Camus, doublement, parce que Camus réfléchit, je veux dire, à ce qu'est l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire le siècle des génocides et des totalitarismes, et ça il en a tout à fait confiance, de conscience. Du reste, même sur la question des génocides, des crimes contre l'humanité, il est effectivement tout à fait mobilisé. Hein, je veux dire, c'est parce que aussi il a été résistant, parce qu'il a vu effectivement ce qu'était le nazisme. Donc il constate effectivement cette violence de l'histoire et la manière dont finalement les êtres humains sont expulsés de ce matérialisme historique. Et deuxièmement, eh bien, il donne des réponses, c'est-à-dire que une fois posé ce constat extrêmement pessimiste, eh bien, il souligne la capacité en particulier des artistes, hein, et ça je reviens sur l'homme révolté, à donner du sens, à maintenir une pensée de la raison, et de ce point de vue-là, et au fond, tout est résumé dans le discours de Suède, c'est-à-dire que le but n'est pas de faire d'une génération une sorte de leader du monde nouveau, mais au contraire d'essayer de maintenir un certain nombre de valeurs, et au fond, ces valeurs, ils ont intellectuelles, philosophiques, il les retrouve. Hein, donc dans sa réflexion sur l'été. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on revient à l'été, qu'en fait on ne s'en est pas du tout éloigné. C'est que finalement l'été pour Camus, c'est quand même le lieu d'une réconciliation, en fait, entre les individus eux-mêmes, entre l'homme et le monde. Il y a quand même cet écart qu'il constate, cette séparation qui d'ailleurs justifie ce qu'il appelle la pensée de l'absurde. Il y a un écart entre le monde et nous, et l'été est l'endroit où une possible réconciliation peut avoir lieu, tant métaphysique que politique. Oui, et c'est assez beau. Bon, il a beaucoup développé, il a développé sa notion de la pensée de midi, et finalement, c'est dans l'été que le midi donc se révèle aussi fortement, et c'est tout à fait donc accroché, je veux dire, à Alger en particulier, et je pense, hein, et ça d'un point de vue historique et pour comprendre l'œuvre, parce que c'est ça aussi l'objectif, ce qui se passe en fait à la fin des années 30 à Alger, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est d'abord le monde du Front Populaire aussi, c'est tout ce qui gravite autour de Charlot, c'est ses expériences théâtrales, c'est sa rencontre avec les peintres, c'est le début du journalisme. Donc c'est un moment crucial pour Camus, parce que il vit une expérience ancrée dans Alger. Et cette expérience-là, elle va durer toute sa vie. Mmh. Jusqu'à la reprise, des années plus tard, donc des premiers textes de noces, avec ce texte qu'on appelle l'été, qui est composé de plusieurs courts textes, dont un qui revient, puis on va y venir maintenant, justement, vous l'avez dit, sur la mer, on va en écouter quelques lignes, vous verrez à quel point le ton peut-être a changé. Il est vrai que dans ce texte, la mer, j'ai essayé de mettre certaines tendances, certains goûts, certaines exaltations aussi que je sens et que j'ai rarement eu l'occasion d'exprimer depuis quelque temps, étant donné qu'à cause de circonstances extérieures, et d'ailleurs qui seraient trop longues de définir, j'étais un petit peu enfermé dans, comment dirais-je, mon métier de ou ma réputation d'écrivain moraliste. Or, le poids de la morale, c'est comme le poids de la vertu, c'est assez exaspérant. Et la poésie, si on veut appeler ça comme ça, m'a permis là une sorte de délivrance dont je sens le besoin. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer. Tous les luxes alors m'ont paru gris. La misère intolérable. Depuis, j'attends. J'attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Je patiente. Je suis poli de toutes mes forces. On me voit passer dans de belles rues savantes. J'admire les paysages. J'applaudis comme tout le monde. Je donne la main. Ce n'est pas moi qui parle. On me loue. Je rêve un peu. On m'offense, je m'étonne à peine. Puis j'oublie et souris à qui m'outrage, ou je salue trop courtoisement celui que j'aime. Que faire si je n'ai de mémoire que pour une seule image? On me somme enfin de dire qui je suis. Rien encore. Rien encore. Ainsi, moi qui ne possède rien, qui ai donné ma fortune, qui campe auprès de toutes mes maisons, je suis pourtant comblé quand je le veux. J'appareille à toute heure. Le désespoir m'ignore. Point de patrie pour le désespéré. Et moi, je sais que la mer me précède et me suit. J'ai une folie toute prête. Ceux qui s'aiment et qui sont séparés peuvent vivre dans la douleur, mais ce n'est pas le désespoir. Ils savent que l'amour existe. Voilà pourquoi je souffre, les yeux secs, de l'exil. J'attends encore. Un jour vient, enfin. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. La mer au plus près, c'est le titre d'un texte qu'on trouve donc dans le recueil L'été d'Albert Camus. Vous avez entendu une archive du 16 mars 1954, Vincent Duclerc, dans laquelle Camus dit « Bon, j'ai beaucoup été associé à cet écrivain moraliste. Au bout d'un moment, la morale, c'est comme la vertu, on n'en peut plus. » Et donc, j'ai voulu y échapper par le lyrisme. Et j'en ai lu un court extrait, et le texte continue. Hein, on y trouve beaucoup de poésie, beaucoup de lyrisme, encore plus que dans Nos. Si bien qu'on se demande même si c'est pas si l'écrivain lui-même ne cherche pas à adopter un ton comme pour se redonner de l'inspiration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais juste peut-être dire que Camus aurait beaucoup aimé effectivement entendre ses textes lus par vous-même ou des comédiens. Parce que c'est vrai que le rapport de Camus à l'oralité, au théâtre, était très important. Et du reste, enfin, on vient de le voir hein, à travers votre lecture, les textes de Camus, et particulièrement ceux de Nos suivis de l'été, se prêtent vraiment oui. À la lecture, quoi, les lectures à haute voix et donc au partage, parce que quand on lit à haute voix, on fait entendre. C'était un homme de théâtre, Camus. Oui, oui, ça, non, c'est vraiment. C'est vrai que cette étiquette d'écrivain moraliste, elle ne va pas du tout à Camus, parce que elle renvoie au fond à une catégorie très, très ancienne, donc qui aurait tendance à dire que Camus finalement est archaïque, alors même que au fond il est un écrivain et un poète aussi. Hein, on le voit à travers cette prose poétique, et puis bien au-delà du moraliste, hein, je pense que c'est un philosophe de la politique, incontestablement, et de l'histoire, puisque, comme on l'a dit il y a un instant, il donne des réponses en constatant, de manière extrêmement lucide, la réalité historique. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Bon, je travaille en historien sur un des proches de Raymond Aron, hein, Elia Lévy, et tous les deux avaient ce constat, je veux dire, du matérialisme historique dans sa version la plus désespérante et implacable au XXe siècle, et en même temps de rechercher des réponses. Et la première des réponses, c'est la force de la pensée, c'est la pensée héroïque. Hein. Du reste, c'est le titre de la collection dans laquelle mon livre a été publié chez Stock. Donc, et justement, on va venir à ce que vous releviez sur ce lyrisme peut-être un peu forcé de Camus, en 1954, pour Nos. Bon. Et pour l'été. Pour l'été. Pour l'été, absolument. Et qui contraste avec la forme de simplicité des écrits de 36-37, où il est au plus près, finalement, il écrit ce qu'il vit, quoi. Alors que dans l'été, il tente de reprendre pied sur l'écriture à partir d'un thème qui est l'été. Et pourquoi Et c'est aussi, je veux dire, ce que Camus nous enseigne, c'est cette grande difficulté d'écrire. Comme on l'a dit, après le succès de La Peste, un succès mérité, un succès littéraire et populaire, eh bien, il vit très mal, au fond, l'échec donc de la réception de L'Homme révolté, et il n'arrive plus à écrire. Et moi, ma thèse, hein, et je pense que c'est la thèse de beaucoup de spécialistes de Camus, c'est qu'il a besoin, en fait, de reprendre pied dans l'écriture et aussi de reprendre pied dans ce qu'il a ancré comme écrivain au début, c'est-à-dire avec ses textes sur l'été, c'est-à-dire les textes de Nos et L'envers et l'endroit. Donc, il va réinvestir, en fait, ces thématiques-là, et véritablement, il réapprend à écrire. Il réapprend à écrire, et c'est pour cette raison que, effectivement, peut-être, il y a plus de sens littéraire que l'on perçoit, qui crée parfois un écran, finalement, avec la sensation qu'il veut dire. Et puis, je crois que dans les textes donc de 54 à 57, hein, donc préface de l'envers et l'endroit et puis l'été, eh bien, il renforce aussi cette dimension donc de la compréhension de l'histoire grâce à l'été. Et moi, je voudrais insister quand même sur, à travers notamment Retour à Tipaza ou d'autres textes, sur toute sa réflexion concernant l'exil de la pensée grecque. C'est-à-dire que Camus était très attaché à ce qu'a représenté l'expérience grecque et la pensée grecque, c'est-à-dire à la fois en termes de poésie, comme avec Héraclite, mais aussi la naissance de la philosophie hein, en Grèce antique, et puis ce que la Grèce antique a apporté en termes de démocratie. Et donc là, on a un triptyque hein, qui est extrêmement important. Donc Camus constate qu'il y a un complet exil, je veux dire, au moment où il écrit au début des années 50, hein, enfin au milieu des années 50, et en fait, les textes de l'été, c'est aussi, au fond, une manière d'affirmer sa pensée politique et sa volonté de maintenir vivante cet ancrage de la pensée grecque. Hein. Il fait plusieurs voyages en Grèce, notamment avec son ami Michel Gallimard. La Grèce représente beaucoup pour lui. Mm-hmm. Et si la Grèce est ainsi révélée, c'est effectivement par cette expérience de l'été, l'expérience qu'il a effectivement à Tipaza. D'où effectivement, vous voyez, dans les premiers textes, c'est Noce à Tipaza qui donne le titre du reste du volume. Et puis, dans l'été, c'est Retour à Tipaza. Tipaza. Donc, et c'est vrai que ce texte, assez mélancolique aussi, hein, montre à la fois le chemin parcouru, l'urgence aussi, il y a une urgence de l'écriture. Et encore une fois, on a parlé de thèmes proustiens, mais quand même, je veux dire, dans Le Temps retrouvé, Marcel Proust nous rappelle, je veux dire, que il prend conscience soudain de tout ce qui a disparu et de la nécessité absolue de retenir des choses, de retenir ce qui lui paraît essentiel et donc d'écrire. Et là, Retour à Tipaza, c'est vraiment ça. C'est un Camus fait une déclaration au monde d'une certaine manière pour dire voilà, je reviens vers l'écriture. Oui, sauf que chez Proust, oui, c'est l'inverse. Chez Proust, c'est la sensation qui lui indique, oui, une partie de sa vie qu'il avait oubliée. Oui. Alors que Camus, et la plupart des écrivains d'ailleurs qui sont dans une logique qu'on a tendance à appeler proustienne, c'est un effort, c'est une volonté de leur part de retrouver ce qu'ils ont perdu. Chez Proust, ça surgit. Oui. C'est pas l'effet de la volonté, c'est au contraire, c'est comme la temporalité elle-même qui vient lui délivrer une énigme qu'il s'agit de résoudre dans la recherche du temps perdu. Ouais. Camus retourne à Tipaza, c'est le titre de son texte, pour essayer de retrouver ses sensations. Oui, mais il le fait parce que il a un appel, au fond, un peu involontaire, je dirais, qui est ses premiers textes. Ouais. Ses premiers textes, Camus les avait, au fond, de sa manière, mis un peu de côté, dans la mesure où il était très engagé, notamment avec l'homme révolté, sur une véritable pensée philosophique qui échoue du fait de la réception. Et tout d'un coup, il réalise, alors qu'il est assez perdu, hein, je veux dire, on le voit dans sa correspondance, hein, il souffre énormément. Eh bien, il réalise que ces textes existent et qu'il est temps aujourd'hui de les réinvestir pour retrouver le chemin de l'écriture. Et voici comment il décrit donc son retour à Tipaza en 52. À midi, sur les pentes à demi sableuses et couvertes d'héliotropes, comme d'une écume qu'auraient laissé en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d'un mouvement épuisé, et je rassasiais les deux soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche, je veux dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé, il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd'hui, mourons de ce malheur. C'est que le sang, les haines, décharne le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie. Aimer le jour qui échappe à l'injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, mais je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ô lumière, c'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Ah, il nous reste à peine 2 minutes, Vincent Duclerc, pour commenter ce texte formidable. Et cette phrase qui est vraiment restée connue, en tout cas elle est beaucoup citée, hein. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Alors bizarrement, et je ne sais pas si c'est une réponse à cette question, mais j'ai remarqué qu'on l'a dit beaucoup dans le mauvais sens. J'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été, et ça sonne presque mieux, mais je ne sais pas d'où vient cette confusion, alors que dans le texte, vraiment, là, je l'ai sous les yeux, c'est vraiment un été invincible. Oui, parce que c'est d'abord l'été. L'été qui effectivement se transforme en ce courage, en cette faculté. Moi, je crois qu'on va être obligé de paraphraser Albert Camus, mais c'est quand même fondamental ce qu'il dit. Il dit que s'il revient vers l'été, c'est pas pour y rester, c'est pas dans une espèce de jouissance ou un culte du moi et du corps, c'est pour repartir, oui. Pour se redonner du courage, pour repartir au combat. Camus est un homme des combats et qui ne renonce jamais, alors que sa situation, hein, dire, au fond, il est au milieu il est déserté, tout le monde se détourne de lui et il ne renonce jamais. Et il mobilise en fait toute une série de ressources grâce effectivement à ce qu'il a en lui, cet été invincible. Et je crois que ça résonne certainement chez beaucoup d'auditeurs, c'est-à-dire l'idée que voilà, on a une sorte de ressources en soi qui est fait de nos expériences, de nos rencontres, de nos convictions, et c'est tout cela qui nous permet de ne jamais renoncer et de continuer à combattre. Merci beaucoup Vincent Duclerc. On continue à combattre, mais on doit malheureusement arrêter cette discussion. Je renvoie les auditeurs à votre livre Camus, Des pays de liberté, aux éditions Stock, et lisez évidemment, chers auditeurs, l'été, vous le trouvez en folio. Prenez Noces suivies de l'été, hein, comme ça vous avez tous ces courts textes réunis en quelques pages et vous verrez, c'est un bonheur de lecture. So chopping up, hey, the cattle on cotton's high. La jouissance estivale continue avec le Summertime de Janis Joplin sur France Culture, Les chemins de la philosophie. Il est temps d'accueillir une nouvelle chronique en cette rentrée. Le pourquoi du comment, c'est le titre de la chronique que le philosophe Frédéric Worms vous proposera tous les jours pour répondre à une question de philosophie ou de culture générale à laquelle, évidemment, il va apporter une réponse. La première question, elle est forte à propos. Qu'est-ce qu'un commencement ? « qu'est-ce qu'un commencement? Quoi de plus merveilleux? Quoi de plus important que le sentiment d'un commencement? Le sentiment que quelque chose de nouveau, qui n'existait pas jusque-là, arrive de manière définitive et indubitable dans le réel. Le début du printemps, sans cesse, produisant sans cesse une exclamation d'émerveillement chez quelqu'un comme Vladimir Jankélévitch, mais aussi le début d'un amour, une naissance ou une libération. Les commencements, c'est ce qui nous prouve la réalité, non pas des choses en général, mais justement de certaines choses singulières dans leur réalité qu'on a toujours tendance aussi à mettre en doute. Non pas la réalité de la vie en général, mais la réalité des vies individuelles, des vies singulières, des événements, de l'histoire. S'il n'y a pas de commencement, alors tout disparaît dans un monde indifférencié, sans cet avant et cet après, qui en réalité change tout. C'est ce qui fait cet émerveillement du commencement, même du plus petit des commencements, même d'une chronique de philosophie, par exemple, qui doit, c'est son job en quelque sorte, commencer par le commencement. Mais avec la philosophie survient justement le doute, la question, l'interrogation sur le commencement. Est-ce que c'est vrai finalement que quelque chose de nouveau peut apparaître dans le monde? Qu'il peut y avoir le commencement de quelque chose qui n'était pas là, avec son critère qui nous semble être toujours l'émerveillement ou la joie? Non, les philosophes comme l'Ecclésiaste nous disent rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous prenez pour du nouveau, en fait, c'est de l'ancien qui se répète. Ce sont des forces anonymes qui agissent en vous, comme le vouloir vivre ou la vie en général, selon Schopenhauer, ou bien c'est le commencement qui présuppose déjà la totalité et les cercles infinis, l'interrogation sur le commencement qui habite, par exemple, le système du philosophe Hegel. La mort abolira toutes les illusions du commencement et les exclamations de ceux qui y croient encore, ce que certains écrivains appellent les promesses de l'aube. Mais nous, nous dirons non à cette mise en cause philosophique, car il y a une réalité indubitable du commencement. Et qu'est-ce qui va nous la prouver? C'est peut-être quelque chose de très paradoxal, quelque chose que l'on a presque jamais pris comme l'épreuve, la preuve, le critère de la réalité des commencements dans notre vie. Cette preuve surprenante, paradoxale. C'est que justement, il n'y a pas seulement des choses joyeuses qui commencent. Il y a aussi des choses terribles, des choses redoutables qui prouvent elles aussi la réalité du commencement. Il n'y a pas que les amours, il y a aussi les deuils qui vont changer notre vie pour toujours. Et même la mort des philosophes, par exemple Jean-Luc Nancy, tout récemment, en fin août 2021, voilà que nous devons commencer à apprendre à vivre sans pouvoir discuter avec lui, sans entendre sa voix vivante. Le commencement des dictatures, le commencement des guerres, sont tout aussi réels et inoubliables que ceux des révolutions ou des murs qui tombent. Le 30 janvier 1933 commence une époque aussi terrible que le 14 juillet 1789 en annonçait une autre. Ainsi, c'est la polarité justement joyeuse ou terrible des commencements qui prouve la réalité de notre vie à travers aussi la réalité, malheureusement, mais indubitablement, de la mort. Mais c'est parce que le commencement n'est jamais seulement un événement extérieur, ni même une rencontre, c'est toujours une action, c'est toujours un acte, c'est toujours l'acte de s'engager pour ou contre et sûrement aussi de le faire ensemble pour le meilleur et pour le pire. Car tout sentiment de commencement nous révèle une action qui commence, une action partagée, une action sans cesse à reprendre, car tout commencement est aussi un recommencement et j'espère bien que tout cela va justement reprendre. Ah bah oui, en tout cas demain, on vous retrouve demain, cher Frédéric Worms. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie que je suis ravie de retrouver en cette rentrée. Manon Delasselle, qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, à qui je souhaite la bienvenue, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, qui a réalisé pour vous cette émission. C'était Dalia à la prise de son, Bernard Gabet à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des quatre saisons après l'été chez Camus. Ce sera l'automne chez Paul Verlaine, en compagnie de Jean-Michel Maulpois et Jankélévitch, dont parlait Frédéric Worms à l'instant, sera au programme jeudi pour le printemps. D'ici là, vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la podcaster, la télécharger, notamment via l'application Radio France. Rendez-vous sur les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook, Instagram. On adore y lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.